Nyangi. Bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de la dernière édition de ce lundi 17 septembre, dont voici les grands titres. Une dizaine de dossiers les plus connus des forfaits commis depuis 2015 ont été analysés. D'autres jugements rendus, précise le procureur général de la République. C'était ce lundi, dans l'après-midi, en conférence de presse. La direction provinciale de l'enseignement à Boubanza déclare la tolérance zéro aux directeurs et membres des comités de gestion des vivres fournis par le Programme alimentaire mondial PAM dans le cadre des cantines scolaires. La Cour pénale internationale CPI a confirmé ce lundi la peine infligée à Jean-Pierre Bemba en première instance. C'est après que différentes instances congolaises aient invalidé sa candidature à la course présidentielle de décembre. À la fin de ce journal, vous aurez l'actualité sportive sur le championnat national de football en première division. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Eric Wimana. Rebonsoir et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page Justice. Une dizaine de dossiers les plus connus des forfaits commis depuis 2015 ont été analysés avec ceux dont les jugements ont été rendus. La confirmation est du procureur général de la République dans une conférence de presse animée l'après-midi de ce lundi. Sylvestre Nyandui appelle toute personne qui aurait une information sur un dossier de coopérer afin que la justice soit rendue. Nibel Nibigira, vous êtes avec moi au studio. Vous venez de cette conférence de presse. Plus de détails. Parmi les 14 dossiers figurent les dossiers relatifs à l'assassinat de l'ex-journaliste de la RTNB, celui du général Adolphe Nshimirimana, l'ex-président du parti UPD Zigame Bangaze de Feruzi, le général Atanasi Kararuza ainsi que la députée Afsa Mossi, tous survenus après 2015. Le procureur général de la République fait savoir que la plupart de ces dossiers, qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, ont été analysés, et cela pour prouver l'indépendance de la magistrature burundaise, déclare-t-il. Pour démentir ce qui est contenu dans le récent rapport des experts onusiens qui fait état de la dépendance de la justice burundaise. Le premier dossier est celui relatif à l'assassinat du journaliste Nkezabahizi Christophe, assassiné à Ngagara. C'est un dossier qui a été l'objet de beaucoup de commentaires. Je vous dirais alors que le tribunal de grande instance de Ntahangwa a déjà rendu son jugement sur ce cas. Il y a le dossier sur l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana. Le dossier a été déjà appelé en audience publique, mais il a été remis pour attendre les témoins du ministère public et il sera appelé très prochainement. Outre les assassinats, le procureur général s'est également exprimé sur les différentes attaques armées à Chibitoke et contre les camps militaires, ainsi que les crimes qui s'en sont suivis. Il nie les femmes ayant été rapportées sexuellement violées. Le dossier des attaques de Chibitoke par des éléments rebelles en provenance du Rwanda en 2015. Plusieurs dossiers subséquents avaient été ouverts et parmi lesquels 6 dossiers ont déjà été clôturés. Certains prévenus ont déjà été condamnés et ils ont interjeté appel. Le dossier se trouve au niveau de la cour d'appel de Bujumbura. Il y a un dossier qui était relatif aux allégations de viol qui, disait-on, avait été commis par certains éléments des forces de l'ordre après les attaques des camps militaires en décembre 2015. Bien que le dossier ait été ouvert, nous avons mené des investigations, mais nous n'avons pas pu identifier aucune seule victime parmi les femmes dont on avait dit qu'elles avaient été violées. Concernant les organisations civiles et les radios suspendues après 2015, certaines ont été autorisées à fonctionner. Mais que le dossier de Bonesha FM reste pendant, expliquant que les représentants de cette station n'ont pas voulu coopérer avec la justice. À part les forfaits qu'il dit avoir été commis en 2015, il indique que l'instruction sur le dossier en rapport avec les 3 sœurs italiennes est presque terminée. Merci Nibel. Sans transition, page éducation. Certaines écoles publiques de la commune Ntahangwa, mairie de Bujumbura, enregistrent des effectifs très élevés en manque de bons pupitres, comme l'affirme le directeur de l'enseignement dans cette commune. Kilehane Nicolas dit qu'il va soumettre cette question à ses supérieurs pour qu'une solution adéquate soit envisagée afin que les élèves puissent suivre les enseignements dans des conditions favorables suivies. Je fais un tournée au niveau de la commune. C'est très alarmant. On a vu que au niveau de notre commune scolaire, les effectifs sont très élevés. Si on peut signaler les classes de 7e année, les classes de 1ère année, les effectifs sont très nombreux. Je peux donner un exemple, le Kofo Milango 1. Il y a même des enfants qui assistent par terre. Le Kofo Chalama 1 Kofo Kamenge 1 et Kofo Chibitoki 1, les effectifs sont très élevés. J'ai constaté encore un problème à la poule avec les bancs pupitres. La plupart de ces écoles n'ont pas de bancs pupitres suffisants. Quand du Charama, Kofo Charama 1, il y a même des enfants orientés qui sont encore dans la cour à cause du manque de bancs pupitres. Il y a aussi Kofo Milango 1, les enfants assis par terre, manque de bancs pupitres. Donc c'est une problématique qui est généralisée au niveau de notre commune scolaire. Donc je vais dresser un rapport à mes supérieurs pour qu'ils se prennent cette question en main. Je vais encore demander à notre commune, l'administrateur communal, qu'il puisse nous donner des bancs pupitres. Kirehane Nicolas, c'est le directeur de l'enseignement dans la commune Nahangwa, au micro de Gertrude Mawenayo. Le directeur provincial de l'enseignement à Boubanza déclare la tolérance zéro pour les éducateurs et membres des comités de gestion des vivres des élèves fournis par le programme alimentaire mondial PAM. Philbert Abonimana précise que ceux qui se sont rendus coupables de ces infractions l'année scolaire passée ont été sanctionnés conformément à la loi. Plus de détails avec Spes Caritas Kabanyana. 99 écoles fondamentales sont servies sur 231 que compte la direction provinciale de Boubanza. Ces vivres sont donnés par le PAM et gérés par des comités composés des directeurs, des enseignants et des parents. Le directeur provincial de l'enseignement à Boubanza indique qu'il est prévu des formations et des renforcements de ces comités de gestion. Philbert Habonimana met en garde ceux qui détournent ces vivres ou qui font une mauvaise gestion, expliquant que ceux qui ont manifesté ce genre de comportement l'année passée ont été sanctionnés conformément à la loi. Un enseignant de l'école fondamentale de Gatagura en commune Manda, par exemple, est en prison pour avoir manifesté ce genre de comportement et il a déjà perdu son emploi au niveau de la fonction publique selon le directeur provincial de l'enseignement. Aussi, certains directeurs ont été remplacés parce qu'ils ont manifesté une mauvaise gestion de ces vivres. Le directeur provincial de l'enseignement demande que ces vivres destinés aux élèves soient sécurisés et bien gérés. La paix lancée aux écoles concernées, aux directeurs qui ont des cantines scolaires endogènes. C'est un simple appel à tolérance zéro pour ceux qui détournent. Nous demandons la sécurisation totale des vivres destinés aux élèves. Ces vivres ont été donnés pour aider aux élèves pour qu'il n'y ait pas d'autres préoccupations en ce qui concerne l'alimentation. Et le renforcement, bien sûr, ce sont des vivres qui sont renforcés pour que les élèves aient un aliment renforcé pour suivre des cours avec toute tranquillité. Les parents que nous avons approchés apprécient ce programme de cantine scolaire puisque les abandons ont sensiblement diminué, comme ils le disent, mais ils demandent que ce programme soit élargi sur toutes les écoles fondamentales de cette province. Pescalitas Kabanyana, Boubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Place à la rubrique hygiène de ce journal. Différents déchets sont jetés au bord de la rivière Nyabagere en zone urbaine de Kamenge, près de la route nationale numéro 1. Certains de ceux qui exercent leurs activités près de cet endroit disent que ces déchets sont jetés par ceux qui les collectent dans des ménages payés par les habitants de ce quartier. Ils demandent que des mesures soient prises pour protéger cette rivière dont la partie sud a été canalisée et servant d'évacuation des eaux des pluies. Les détails avec Gertrude Mawenayo. Ce sont certains des jeunes exerçant leurs activités à côté de la RN1 près de la rivière Nyabagere dans le quartier Kamenge à Mérido Bujumbura. Ils disent qu'ils sont incapables d'empêcher ce qu'ils jettent, les immondices, au bord de cette rivière du fait que des fois ils sont bâtis par ce qui amène ces immondices. Ces citoyens disent avoir reçu l'ordre de la part du chef de quartier Guy de mettre à cet endroit un communiqué interdisant que les déchets soient jetés au bord de cette rivière, ce qui a été fait, mais la situation n'a pas changé, comme le dit un d'entre eux. Les autorités d'ici nous ont demandé d'être attentifs pour pouvoir attraper ce qui amène les déchets dans cette rivière. Il arrive des cas où on cherche à les attraper, mais on risque d'être battu par ces derniers, puisque certains d'entre eux sont forts de plus que nous. En plus, on risque de ne pas avoir où se plaindre, pour ce fait, on les laisse passer. Les déchets sont amenés par les transports illégaux. Le chef de quartier Guihosha l'a attrapé et l'a emprisonné avec celui qui lui avait avaient donné. Mais même s'ils ont payé une amende, en plus de cela, la situation est restée la même. Les déchets sont jetés partout, malgré la présence des sociétés ayant dans ses charges le rôle d'arriver les déchets dans les ménages, mais ils le font sciemment. Il suffit tout simplement de se faire inscrire pour qu'ils viennent prendre les déchets dans ton ménage. Mais lorsqu'on n'est pas inscrit, ils ne viennent pas. Ce qui amène les déchets ici sont ceux qui cherchent de quoi à manger et ceux qui ne sont pas fait inscrire pour payer les galères. Sur la partie nord de la RN1, juste et près du caniveau de cette rivière, des immondices de toutes sortes arrivent jusque même dans le lit de cette rivière. Cet homme, quant à lui, demande qu'un numéro vert soit mis en place pour informer la police en cas de besoin. La situation se présente ainsi au moment où les travaux de reconstruction des bordures de cette rivière sur le côté sud de la RN1 sont en cours. Gertrude Mawena Hygiène encore, c'est en zone urbaine de Buiza où il s'observe des déchets ménagers entassés sur différentes avenues. Les habitants craignent des maladies et demandent ainsi aux associations chargées de collecter les déchets ménagers dans cette localité de s'exécuter au moins 3 fois la semaine. Roselyne Akindavi. Depuis la 1ère avenue jusqu'à la 4e avenue de la zone urbaine de Buiza, les déchets s'observent devant certaines parcelles. Les habitants de cette localité disent que ça fait plusieurs jour que l'évacuation de ces déchets n'est pas effectuée. La société chargée de transporter ces déchets vient tardivement. La dernière fois, c'était au mois de juillet. Depuis, ils ne sont pas encore revenus. Tu vois, ça fait plusieurs jours que les déchets s'entassent rapidement. L'un des habitants de cette zone indique que ces déchets sont à la base de certaines conséquences, en l'occurrence l'absence des clients. Les conséquences ne peuvent pas manquer, car quand nous travaillons dans un endroit sale, même le client peut retourner chez lui à cause de cette saleté. Alors, ça ne nous facilite pas la tâche parce que quand nous venons ici, c'est pour chercher de quoi nourrir nos familles. Cette personne dit qu'il y avait des gens qui transportaient ces déchets et qu'aujourd'hui, ils ne font plus cette activité. Il y a des gens qui venaient pour transporter ces déchets moyennant de l'argent, mais pour le moment, ils ne viennent plus. Ils ne font plus cette activité et si nous leur donnons ces déchets, ils sont sanctionnés. C'est pourquoi vous voyez les déchets éparpillés. Ces habitants de la zone urbaine de Buiza demandent aux sociétés chargées d'enlever ces déchets de venir les transporter au moins 3 fois par semaine car ces déchets peuvent causer des maladies des mains sales. Page environnement de ce journal, l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE Antenne Gitega dit avoir un objectif de revaloriser les arbres d'espèces autochtones en voie de disparition. Dans cette optique, des pépinières de 80 000 plants d'arbres d'espèces autochtones ont été aménagés. En plus de cela, des pépinières contenant environ 2 millions de plants d'arbres d'origine étrangère ont aussi été aménagés, indique le chef de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE en province Gitega. Une information que nous devons à notre correspondant dans cette province, Gérard Niwigira. En page société, une famille originaire de la commune Burambi en province Rumonge a mis au monde des triplés en fin de la semaine passée. Cette famille demande de l'aide pour que la mère des enfants puisse allaiter ses petits. Ils sont actuellement à l'hôpital de l'église anglicane de la commune et province Bubanza. Edouard Akizimana est le père de la famille. Nous avons mis au monde samedi un triplet de 2 filles et 1 garçon. Nous sommes originaires de la colline Kesha, dans la commune Burambi, province Rumonge. Nous avons beaucoup de problèmes, entre autres le manque de matériel suffisant pour ces bébés, pas de bouillie, pas de sucre, pas de lait, pas des habits des enfants et c'est de leur mère. Nous demanderions à quiconque qui pourrait nous aider que nous sommes au centre de santé d'hôpital se trouva dans la commune et province Rumonge. Nous remercions Dieu parce que la mère n'a pas été césarisée, même les enfants n'ont pas été mis dans la couveuse. Parlons sport à présent. Les formations de Musongati de Gitega et Aigle Noir de Makamba rivalisent pour la première place du championnat national de football en première division. Ces équipes sont à égalité de 19 points à la 7e journée du championnat avec différence de but. Cela étant, les clubs de Vitalo et Olympic Star sont les derniers du championnat avec différence de but également. Fin du week-end dernier, un tournoi de basketball dit playoff a été organisé par la société l'association de basketball de Bujumbura. Les détails avec Évariste Nzikobanyang. La semaine dernière, le championnat de football en première division était en sa 7e journée. À l'issue de cette journée, les équipes de Musongati et Aigle Noir sont à égalité de points avec une différence de but. Après avoir égalisé avec les Lières un but partout, Musongati a 19 points avec 14 buts en poche. Aigle Noir a 19 points et 12 buts en poche après avoir battu Rukinzo 3-1. L'équipe de Vitalo a avancé de place en cette 7e journée. Elle a quitté la 16e place pour se positionner 15e du championnat. C'est après avoir égalisé avec Ebouja City 0-0. Cette formation n'a que 6 points sur 21 et une dette de 4 buts. Olympic Star est provisoirement classé 16e et dernière du championnat. C'est après avoir été battu ce dimanche à domicile par Ngozi City de 2-1. Cette formation n'a que 6 points et une dette de 6 buts. Après Musongati et Aigle Noir, c'est l'équipe de Bumamuru qui est 3e avec 13 points. Elle est secondée par Lelière, Flambeau de l'Est et Ngozi City qui sont à égalité de 9 points chacune. Kayanza United et Messager Ngozi occupent les 7e et 8e places avec 8 points chacune. À 9e, 10e et 11e position viennent Atletico Olympique, Buja City et Lydia Lydic et Burundi Sport for Africa avec 7 points chacune. Dans les 12, 13, 14, 15 et 16 se trouvent Rukinzo, Messager Bujumbura, Flambeau du Centre, Vitaro et Olympic Star qui n'ont que 6 points chacune avec différence de dette de but. La fin du week-end dernier, l'association de basketball de Bujumbura a organisé le tournoi du play-off. Samedi, côté filles, Berkostar a battu Aigle Noir 66-25. Les Gazelles a battu Rumuri 72-30. Dimanche, Berkostar a battu au match retour Aigle Noir 51-36 points, tandis que les Gazelles a battu Rumuri 77-29. Côté masculin, samedi, Dynamo a battu Kern 70-66, Gymkhana a battu Runani 72-56. Dimanche, Runani a en revanche battu Gymkhana 72-61 et Kern a battu Dynamo 66-56. En finale de ces playoffs, Berkostar jouera contre les Gazelles côté filles, tandis que côté hommes, Kern croisera le fer avec Gymkhana. L'actualité internationale en bref, la Cour pénale internationale CPI a confirmé ce lundi 17 septembre la peine infligée en première instance à l'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba pour subornation des témoins dans le cadre de son procès principal pour crime de guerre. Déjà samedi 15 septembre, la RDC avait menacé à son tour de quitter cette Cour pénale internationale et c'est à travers un communiqué du ministère congolais des Affaires étrangères que Kinshasa évoquait cette éventualité. Peu de jours avant, la Commission électorale congolaise et la Cour constitutionnelle congolaise s'étaient appuyées sur la condamnation de la CPI pour invalider la candidature de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré parfaitement la mise en onde. Une excellente soirée à tous et à tous. Au revoir.